Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les guerres de l'opium du 19e siècle en Chine. Le but du commerce de l'opium était simplement de vendre de l'opium à la Chine. Mais en pratique, cela signifiait rendre le plus grand nombre possible de Chinois dépendants de cette drogue. Et il ne s'agissait pas d'un trafic négligeable. Aussi incroyable que cela puisse paraître, au début du 19e siècle, la vente de l'opium était le plus grand commerce au monde. Extrait du documentaire « La Chine, le mandat céleste » diffusé à l'émission Horizon en 1994, l'historien Michael Wood, qu'on entend dans cet extrait, suggère à juste titre que l'objectif poursuivi par les Britanniques lors des guerres de l'opium en Chine, il est double cet objectif. Il y a d'abord l'objectif commercial, la guerre de l'opium c'est très payant pour les Britanniques, mais il y a aussi un objectif clairement politique, affaiblir la Chine et forcer son ouverture aux puissances étrangères en développant la dépendance des Chinois à l'opium. Dans ce contexte, on peut dire que l'opium a un peu servi de cheval de Troie aux Britanniques dans cette Chine du 19e siècle. Lettre de Lin Zexu à la reine Victoria, 1839. On me dit que dans votre pays, il est interdit sous peine sévère de fumer l'opium. Cela signifie que vous n'ignorez pas à quel point cette action est nocive. Mais plutôt que d'interdire la consommation de l'opium, il vaudrait mieux en interdire la vente, ou mieux encore en interdire la production, ce qui est le seul moyen de purifier la contamination à sa source. Aussi longtemps que vous ne prendrez pas cette mesure vous-même et continuerez à faire de l'opium et inciter le peuple de Chine à l'acheter, vous vous montrerez soucieuse de la vie de vos propres sujets et insouciante pour la vie des autres hommes, indifférente au mal que vous faites aux autres dans votre avidité pour le gain. Une telle conduite répugne aux sentiments humains et est en désaccord avec la voix du ciel. Tout l'opium qui est découvert en Chine est jeté dans l'huile bouillante et détruit. Tout bateau qui, à l'avenir, viendra avec de l'opium à son bord sera mis à feu et tous les autres biens qu'il transportera seront inévitablement brûlés en même temps. Alors, non seulement vous ne parviendrez à tirer quelques profits de nous, mais vous vous ruinerez dans l'affaire. Extrait de l'émission « Les chemins de la connaissance » diffusée à France Culture en juin 1977 pour nous parler de ces guerres de l'opium du 19e siècle en Chine qui pousseront même un haut fonctionnaire, vous venez de l'entendre dans l'extrait qui était présenté dans « Les chemins de la connaissance », un haut fonctionnaire chinois va prendre la plume et écrire directement donc à la reine Victoria. Pour nous parler de ces guerres de l'opium, je reçois Evelyne Ferron, qui est spécialiste en histoire ancienne, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeure d'histoire au Collège Mérici à Québec. Evelyne Ferron, bonjour. Bonjour. C'est vraiment fondamental ce qui se joue à ce moment-là et l'influence va être très, très durable. Mais en quelques mots, quelle influence ont ces guerres de l'opium du 19e siècle sur l'histoire de Chine, Evelyne? Bien, sur l'histoire de Chine, en fait, c'est que la Chine traditionnelle, impériale, on est à l'époque des Qin, va s'effondrer complètement et la Chine aura comme obligation de s'ouvrir sur le monde, elle qui va vivre en autarcie pendant des siècles et n'aura pas de difficulté à vivre repliée sur elle-même. C'est le choc des cultures. Elle perd des guerres très importantes. Ça lui coûte une fortune. Son économie est complètement détruite. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'elle va entrer dans l'ère industrielle maladroitement et la population chinoise va finir par se rebeller contre ça. Et c'est la montée de Mao Zedong et du communisme, en fait. Donc, c'est vraiment le grand schisme, la plaque tournante, la fin d'une histoire millénaire. Oui, ça va faire basculer le régime impérial et ça va vraiment amener ce qui sera, premièrement, les révolutions chinoises, le communisme et bien, par la suite, ce qu'on pourrait appeler la République populaire de Chine, mais aussi une forme de dictature qui est celle de Mao. Mais en même temps, c'est aussi le choc pour la Chine de ce qui est devenu la mondialisation avec l'Empire britannique et le commerce maintenant international avec les bateaux et tout ça. Pour la Chine, c'est un dur apprentissage, en fait, que le monde peut tourner sans elle et elle a le choix. Ou elle continue à vivre fermée et isolée et ruinée ou elle entre, en fait, dans cette nouvelle ère. Et c'est, pour la population chinoise, c'est tout un revirement de situation. Et c'est ça, au fond, je le disais d'entrée de jeu, mais l'objectif véritable, il y a deux objectifs des Britanniques. Bien sûr, c'est payant. Le commerce de l'opium est payant, mais c'est la fin d'un monde. On veut ouvrir, faire éclater cette Chine fermée, l'ouvrir sur le début de ce que sera le libre-échange. C'est ça le vrai objectif. Parce qu'elle a des produits que les pays occidentaux ne possèdent pas. Et c'est vraiment ça qu'on cherche. C'est le thé, c'est la soie, c'est la porcelaine. Ouais. Et ça, ce sont, on cherche en Angleterre à cette époque-là et en France des recettes avec l'argile locale pour faire des porcelaines aussi fines que la Chine, mais on n'a pas encore trouvé quelque chose d'aussi parfait. Bon, la France a fait la porcelaine de Sèvres, Limoges s'en vient, mais on n'a pas trouvé vraiment ce qui donne le côté diaphane et très léger de la porcelaine. Donc, la Chine a trois produits principaux comme ça, dont elle est la seule à pouvoir faire le commerce. Donc, c'est ça que l'Angleterre veut briser aussi. Quand on dit libre marché, c'est que l'Angleterre veut être capable d'aller chez le commerçant directement pour pouvoir établir les prix aussi. Alors, c'est le début du capitalisme qu'on voit à travers tout ça, mais la Chine va le voir d'une manière qui est très brutale. Avec la fin justifie les moyens, toutes les guerres sont sales, mais celle-là, je parlais de cheval de Troie comme image, mais c'est un peu ça. On va utiliser le commerce de l'opium comme arme de guerre. Oui. Une arme de guerre pour pouvoir justement avoir un levier contre la Chine. Parce que comme la Chine, au 19e siècle, on parle d'à peu près 400 000 habitants quand même, un immense territoire, une bonne productivité agricole, elle est indépendante, elle est autarcique, elle vit fermée, elle n'a aucun problème. Elle n'a pas besoin de produits européens, elle n'en demande pas. Ouais. Et c'est là le problème, en fait. C'est que la Chine, quand elle commerce, elle n'a pas de problème à commercer avec l'Angleterre, les Français, les Portugais, les Néerlandais. Ça lui fait plaisir depuis longtemps. Mais elle ne demande qu'une seule chose comme paiement, des lingots d'argent ou des lingots d'or. L'Angleterre n'a pas l'Amérique du Sud. C'est pas elle qui a eu l'or des Amériques, ce sont les Espagnols. Et donc, des lingots d'argent ou des lingots d'or, pour elle, il faut souvent qu'elle échange d'autres produits pour aller chercher les métaux pour pouvoir payer la Chine. Et ça commence à l'énerver. Elle demande, en fait, des changements. La Chine n'a pas besoin de vendre à l'Angleterre, donc ça ne la dérange pas. Et c'est un peu comme ça qu'on décide d'y aller d'un côté un peu plus sale. On voit qu'au du côté du Bengale, on peut produire beaucoup de pavots. Et là, on se dit, voilà. La brèche, comment affaiblir oui, ça? Comment accepter, en fait, qu'ils acceptent un autre produit que l'argent si on commence à rendre les Chinois très dépendants à l'opium? Parce qu'il faut dire que les Britanniques ne sont pas les premiers à s'être essayés à ça. Ce sont les Portugais qui avaient importé les premiers produits d'opium ou dérivés d'opium. Les Chinois avaient aimé ça, donc l'Angleterre surfe un peu là-dessus. Et donc, elle va produire plus de pavots au Bengale, va le transformer et va introduire lentement, mais sûrement dans les ports où elle peut commercer. Elle n'a pas le droit d'entrer à l'intérieur des terres. Elle est limitée à 5 ports, dont celui de Canton. Et c'est ce qui fait qu'elle se dit, s'ils deviennent dépendants, on aura enfin un produit qu'on peut produire, un produit d'échange, et je n'aurai pas à aller chercher des lingots d'argent ailleurs. Et c'est vraiment là le nerf de la guerre. Et ça va marcher. Un mot pour décrire, on l'entendait, l'historien en parlait là, au début de l'émission, c'est un commerce qui est très, très, très payant. Ça veut dire quoi, la consommation d'opium en Chine au 19e siècle? Dans les années 1830, quand tout ça se produit, pour vous donner un indice, dans les années 1830, l'Angleterre importe 360 000 tonnes de thé par année, mais elle va commencer à introduire 1 400 000 tonnes d'opium. Et si on essaie d'imaginer ce que ça donne, c'est que c'est importé dans les ports. Et rapidement, ce qui se passe, c'est que les Chinois, eux, vont l'introduire à l'intérieur des terres. Alors, l'Angleterre, elle sait que son produit n'est pas limité aux ports commerciaux. Les Chinois, dans les campagnes et partout, développent les premières maisons de fumée. Ça devient vraiment très populaire. Et c'est sûr que ça fait chuter aussi, éventuellement, la productivité du pays, parce que l'opium va amortir une bonne partie de Chinois. Corruption, intoxication des fonctionnaires qui consomment de l'opium aussi. C'est tout ça, le cercle vicieux. C'est un cercle vicieux et ça touche un pays en entier, alors que le commerce, pourtant, lui, est limité juste aux ports. Mais c'est qu'on aime tellement ce produit-là que c'était la meilleure façon d'arriver à contaminer l'intérieur des terres aussi. Donc, 1 400 000 tonnes d'opium, c'est sûr qu'on n'en consomme pas des grandes quantités. Ça veut dire que ce qui peut être vendu, revendu par année, c'est énorme comme quantité. Comment le pouvoir chinois, parce que ça atteint l'équilibre social en Chine, c'est ça que ça fait, ce commerce massif de l'opium en Chine au 19e siècle. Comment le pouvoir chinois réagit à ça? C'est le choc. C'est vraiment à la fin des années 1830 que là, du côté du régime impérial des Qin, on fait comme, on a un problème, parce que là, dans les champs, nos fonctionnaires, les gens qui travaillent aussi dans la transformation de divers produits qu'on échange, travaillent des fois 2, 3, 4, 5 heures de moins, font beaucoup moins dans une journée que ce qu'ils faisaient auparavant, parce que pendant les pauses, ils vont aller fumer un peu d'opium, mais ils sont vraiment amortis. Alors, c'est sûr qu'on va décider d'être très sévère. Celui que vous avez entendu dans l'extrait qui a écrit à la reine Victoria, Lin Zexu, c'est le grand fonctionnaire qui va être en charge, mandaté par le gouvernement impérial, de mettre un terme, en fait, au commerce de l'opium. Donc, il y a cette lettre envoyée à Victoria, mais il y a aussi des règlements très sévères. Alors, on va interdire la consommation d'opium sur le territoire de la Chine. On va interdire, en fait, qu'il soit commercé dans les ports, ce qui va énerver, en fait, l'élite chinoise qui travaille dans les ports, parce qu'ils se sont enrichis énormément en acceptant ce trafic-là avec les Britanniques. Et ça va aller jusqu'à la peine de mort. Ouais. Alors ça, pour la Chine, c'est quand même... c'est peut-être plus normal en Chine, mais c'est vu de quand même de manière assez violente par les Britanniques qui font comme la peine de mort pour ça. Il y a quand même un petit choc de ce côté-là. Donc, on va être très sévère à partir de ce moment-là. Ouais. L'Angleterre a coopéré hein, avec Victoria un tout petit peu. On envoie moins de bateaux dans les ports avec de l'opium, mais en fait, on sait qu'on a maintenant les voies terrestres pour le faire. Alors, ouais. on a des agents clandestins dans les ports qui vont se charger quand même d'envoyer les quantités demandées à l'intérieur des terres en Chine. Et ce qui devait arriver, arriva. Il y aura le déclenchement de la première guerre de l'opium parce qu'on comprend bien l'enjeu économique pour les commerçants britanniques. Mm-hmm. Et avec une réponse comme celle aussi sévère que celle que décide d'appliquer la Chine, ça fait des flamèches. Ça commence en juin 1839, oui. officiellement, cette fameuse première guerre de l'opium. Et évidemment, ça va faire partie de l'histoire, de la grande histoire de la Chine, tant et si bien. Écoutez, Evelyne Ferron, que les Chinois vont porter cette histoire-là au grand écran, comme en témoigne un reportage de... Ça va devenir un film, donc. Comme en témoigne un reportage de France 2 en juin 1997. Les forces de sécurité locales avaient déjà été mises à contribution pour reconstituer la scène historique, Roumaine 1839, ou comment les Chinois ont détruit 20 000 caisses d'opium britannique dans la Chaux-Vive. Le film sort ces jours-ci à Pékin. Alors, extrait de ce film chinois qui raconte cet événement majeur, l'élément déclencheur, Evelyne Ferron, de cette première guerre de l'opium. Ça se passe en juin 1839. Qu'est-ce qui se passe? Bien, les Anglais respectent plus ou moins, comme je vous le disais, la petite entente avec l'Angleterre. La reine Victoria avait dit qu'il y aura moins de commerce d'opium. On va envoyer même moins de bateaux, sauf qu'il y a un commerce clandestin. Donc, les gens qui administrent les ports, surtout le port de Canton, on parle même d'un système de Canton à cette époque-là, veulent pas voir ce commerce-là s'arrêter, ce qui fait que même si sur le bateau, il n'y a pas l'air d'avoir tant de caisses d'opium que ça, c'est juste qu'on en envoie moins par bateau, mais il y a toujours des petites quantités ouais. illégales qui sont envoyées et qui transitent finalement à l'intérieur des terres. Et c'est comme ça qu'on va apprendre qu'il y a un envoi qui arrive par bateau dans le secteur de Canton et on va décider donc de brûler automatiquement les quantités. Ça fait réagir le peuple chinois qui n'est pas content, mais surtout l'Angleterre se dit « Nous, c'est un commerce libre. Les Chinois veulent de l'opium, on leur en fournit, mais en échange, on vous achète des très grandes quantités de thé, de soie et de porcelaine. On ne voit pas pourquoi vous allez détruire notre stock et surtout, vous allez nous repayer. » La Chine dit ouais. « Non, on vous avait dit que vous n'aviez plus le droit de vendre d'opium sur notre territoire. Vous avez décidé d'outrepasser vos droits. On ne vous remboursera pas les quantités. » Donc, c'est sur l'enjeu de se faire rembourser que les Anglais, finalement, ont ce qu'ils veulent. Ils envoient la plus importante et plus puissante marine du monde à ce moment-là, la leur, contre la Chine qui ne fait pas de bataille navale. Ouais. C'est ça le problème, c'est que les Chinois, bon, militairement, sont plus à pied, à cheval. Et le bateau est utilisé seulement pour la ouais. surveillance des côtes, pour un peu de commerce. Et là, ce sont des navires britanniques équipés de canons qui vont arriver dans les ports de Chine par le sud. Et les Chinois, même si ça dure pendant à peu près 2 ans, vont perdre à peu près tous les combats contre Parce que cette première guerre de l'opium, c'est vraiment une guerre, c'est une bataille navale, en oui. gros. C'est vraiment là que ça se joue. Que les Chinois peuvent difficilement gagner parce que leurs navires n'ont ouais. pas l'équipement du tout des Britanniques, n'ont pas la technologie des Britanniques non plus. Les Britanniques qui ont des canons aussi plus résistants parce qu'ils travaillent mieux le métal maintenant. On est en plein air industriel aussi du côté de l'Angleterre. Ils sont plus avancés ouais. technologiquement parlant. Donc, ils vont réussir à s'installer sur la côte. Hein. C'est ça l'enjeu sur la côte chinoise. Ils prennent Hong Kong, entre autres. C'est là que ça se passe. Ouais. À la fin, en 1842, l'Angleterre, c'est à ce moment-là qu'elle est devenue propriétaire de Hong Kong et va l'être par traité, ce fameux traité oui. de Nankin, signé en 1842. Exactement. Qui redonne accès à 5 ports à l'Angleterre pour le commerce, libre commerce. Et la Chine, en échange, ben, va devoir accepter qu'il y ait des quantités d'opium qui vont passer sur son territoire. Elle ne peut pas... elle est pas en position de négocier. Elle essaie de négocier des quantités, par ouais. contre, mais il y a 5 ports maintenant qui vont être ouverts à l'Angleterre, dont le port de Canton qui est le plus important. Et on essaie d'implanter avec le traité de Nankin un commerce un petit peu plus libre où il y a moins de règles, en fait, où les commerçants peuvent négocier directement avec les marchands anglais, régler des quantités, avoir une certaine liberté commerciale. Ouais. Ça, c'est ce qui est entendu, mais surtout la grosse perte pour la Chine, ça reste Hong Kong, qui est quand même une île importante ouais. et que les Britanniques vont prendre en se disant, ça y est, on a un pied à terre dans le monde oriental est tout un pied à terre à part ça. Et puis ça règle rien, comme vous le dites. On va essayer de négocier la quantité d'opium qui va rentrer, mais en fait, il n'y a plus de contrebande. On peut maintenant faire le commerce ouvertement de l'opium. Donc, la Chine, qui voulait s'attaquer à ce problème de consommation extrême d'opium, ben passe à côté du bateau, sans faire un mauvais jeu de mots. Le traité de Nankin règle rien. Au contraire, on écoute d'ailleurs l'historien Jean-Marie Pelt à l'antenne de France Inter en 1988. Il va revenir justement brièvement sur les effets qu'a eu le traité de Nankin pour la Chine, puis il va expliquer comment sera déclenché ensuite, parce qu'il y en aura une deuxième, la seconde guerre de l'opium en 1856. Et c'est le traité de Nankin en 1842 où la Chine doit payer les caisses qui ont été détruites, les 20 000 caisses détruites. Alors la Chine doit payer, la pauvre Chine qui n'a pas un sou paye, et ce qui est pire, elle ouvre 5 ports au commerce avec l'Europe, notamment la Grande-Bretagne, dont Hong Kong. Et c'est là que commence le statut d'Hong Kong. Et à partir de là, comme les ports sont officiellement ouverts, eh ben l'opium rentre tout seul. Il n'y a plus de contrebande. C'est maintenant officiel. Les Anglais sont ravis, ils peuvent écluser leur opium officiellement en Chine. Alors, on voit arriver des quantités d'opium tout à fait extraordinaires, et le céleste empire, enfin, est épouvanté. Un jour, en 1856, le vice-roi chinois de Canton, qui était un des ports ouverts, n'est-ce pas, arraisonne un bateau de sa gracieuse majesté, de nouveau plein d'opium. Et alors, immédiatement, on rebelote, et il y a une nouvelle guerre qui se déclare. Alors, celle-ci est pire que la première, parce que voilà que les Anglais prennent les Français comme alliés. Alors, nous, Français de l'Hexagone, allons donc faire la guerre en Chine, avec les Anglais, contre les Chinois, pour y placer notre opium. Il en est brièvement question dans cet extrait, mais revenons donc, Évelyne Ferrand, sur cet élément déclencheur qui va, parce que là encore, il y en aura un, qui va déclencher la seconde guerre de l'opium, qui se déroule en fait en 1856, le 8 octobre précisément. Oui, le 8 octobre, c'est que les Chinois, là, ça fait, l'autre guerre de l'opium s'est terminée en 1842, ça fait plus d'une décennie qu'ils subissent finalement l'entrée très libre de l'opium sur le territoire, et le problème qu'on avait évoqué dans les années 1830, ben, ne s'est qu'empiré. Là, partout en Chine, vous avez les photographies qu'on voyait du 19e siècle. Il faut vraiment voir ces Chinois avec leurs tresses couchées sur des tapis complètement amortis par l'opium, avec les grandes pipes à eau qu'on utilisait pour le fumer. Et c'est sûr que ça a eu des impacts sur la productivité économique de la Chine qui sont catastrophiques. Et là, rendu en 1856, on veut essayer de régler le problème parce que c'est pas tant le produit qui dérange, ce sont ses effets. Et c'est le fait qu'il y a une dépendance. Donc, même si on dit aux Chinois arrêter d'en consommer, même si on fait des lois internes, on n'y arrive pas parce qu'il y a toujours moyen de mettre la main sur de l'opium. Donc, c'est un problème majeur. 8 octobre 1856, on décide, parce que les bateaux ont dépassé les limites, d'arrêter un navire britannique et de faire prisonnier les marins. Alors là, l'Angleterre dit non. On a des ententes, on a une liberté de commerce, vous allez nous rendre nos hommes. Et la Chine va hésiter. Et l'Angleterre a donc ce qu'il lui faut pour volontairement, en fait, déclencher une nouvelle guerre contre la Chine et essayer d'établir ce qu'elle cherche, le libre marché complet. C'est la même chose qu'en 1839. Intervention. En 1939, on va jeter de l'opium dans l'eau, mais on prend d'assaut un navire. Même chose, on arrête les marins sur un navire et c'est ce qui déclenche la deuxième guerre de l'opium en 1856. Comment elle va se dérouler, cette deuxième guerre? Elle est longue quand même, 1856-1860. La France décide de se joindre à la Grande-Bretagne parce que l'argument clé de la Grande-Bretagne, c'est que les autres royaumes européens vont pouvoir eux aussi faire du libre commerce en Chine si elles gagnent cette guerre-là. Alors, on a un appui militaire supplémentaire qui est celui de la France. Donc, c'est une alliance franco-britannique. Il y aura quelques navires aussi néerlandais feront partie de ces 4 années de guerre-là. Sauf que la différence, ce qu'on veut, c'est faire tomber Pékin. Oui. Alors là, on va devoir se battre à l'intérieur des terres, là où on n'est jamais allé. C'est le rêve, là, c'est d'entrer à l'intérieur des terres de Chine. Et c'est comme ça qu'en 1860, a lieu une bataille quand même assez importante qu'on appelle la bataille de Palikao, où les Britanniques et les Français combattent à pied. Ils traînent avec eux les canons. Ils sont à pied. On s'entend qu'il fait très chaud en Chine aussi. Et sur un pont, ils vont être embusqués par les armées chinoises, qui sont quand même beaucoup plus efficaces du point de vue terrestre, parce que c'est leur territoire. Et ce sont des armées de fantassins à pied ou à cheval. Et donc, la bataille va avoir lieu sur un pont, ce qui est, limite beaucoup les actions. Mm-hmm. Et les Français et les Britanniques, non seulement gagnent cette bataille-là de manière un peu surprenante, ils sont eux-mêmes surpris de l'avoir gagnée, s'attendaient à ce que ce soit une défaite et qu'ils aient à reculer. Et une fois que c'est fait, les Chinois ne s'attendant pas à ce qu'ils perdent cette bataille-là, eh bien, ils vont pouvoir entreprendre la montée vers Pékin. Ça, c'est incroyable. Oui. Donc, point tournant majeur, parce qu'à partir du moment où ils réussissent à passer à travers cette bataille de, mm-hmm. de Palikao, il faut voir les distances. Là. Ils vont marcher littéralement jusqu'à Pékin. Oui, ce qui va leur prendre beaucoup de temps, parce que c'est sûr que bon, la température n'est pas toujours de leur côté. Ils sont dans un univers, un environnement qui leur est totalement étranger. Et ils vont finir par atteindre Pékin. Et c'est la surprise à Pékin. On ne s'y attendait pas, alors on n'est pas prêt à voir arriver les Britanniques et les Français. Au cœur de l'Empire. Oui, et on va détruire les deux palais d'été avec les canons, parce qu'on traîne des canons. C'est ça que quand même... les hommes, on doit leur donner ça. Ils étaient courageux à l'époque, être sur un territoire aussi étranger... qui vous détestent. Donc, vous êtes certain de vous faire attaquer même par les Chinois eux-mêmes, probablement. Et vous avez à transporter des canons métalliques qui sont très, très lourds, que vous faites rouler dans la boue, dans le sable, dans toutes les conditions possibles. Ils atteignent Pékin, puis ils sont habillés à l'époque, il faut dire, là, les armées d'époque. Vous avez le veston, vous avez le fameux pantalon boutonné. Vous n'êtes pas habillés pour les conditions de la Chine. Et si la Chine avait été prête à les recevoir... ça aurait été une autre histoire. Ouais. La Chine avait les moyens militaires de les faire tomber. C'est qu'ils n'ont jamais pensé que des Français, des Britanniques auraient eu le courage et la persévérance, surtout, pour atteindre le cœur de l'Empire et détruire avec leurs canons jusqu'à deux palais d'été. C'est là que la Chine va faire « Wow, OK, ça s'arrête ici, parce que là, on ne peut pas vous laisser détruire non plus le centre de notre administration. » Mais ça va coûter très, très, très cher à la Chine, cette deuxième guerre de l'Opium. Oui. L'Angleterre, on va signer le traité de Pékin. Et là, cette fois-ci, il n'est plus juste avec la Grande-Bretagne, il est avec la France aussi, parce que là, ils sont deux nations à se battre contre la Chine. Et avec le traité de Pékin, bien là, c'est le libre-marché. Et donc, pour la Chine, c'est ce qui va la forcer vers l'industrialisation, parce que maintenant que le libre-marché, on veut plus de quantité. On veut que ça aille plus rapidement. Elle n'aura comme pas le choix de s'ouvrir à ça, sinon son économie va s'effondrer. Elle investit beaucoup dans ses armées. Bon, là, elle se retrouve quand même au pied du mur. L'Angleterre va, en plus de Hong Kong, aller chercher Kowloon, qui en fait partie aujourd'hui, mais qui lui permet d'avoir encore plus de possessions territoriales et de gérer ce commerce-là. C'est à ça que ça va servir, en fait, Hong Kong. Et des incursions ailleurs en Chine. Les quartiers qu'on verra plus tard, occidentaux aussi à Shanghai, par exemple, c'est les vestiges de cette guerre-là. Oui, et c'est sûr qu'à un moment donné, on va les laisser entrer parce que là, la Chine, après le traité de Pékin, se dit on a le choix. On les laisse faire le libre-marché, mais on se ferme à l'Occident complètement. On les envoie promener pour les relations diplomatiques, on continue comme on était avant. Mais on a une opportunité commerciale de redresser notre économie si on développe l'industrialisation. En achetant, bien entendu, tout ce qu'il faut pour créer des usines à la France et à l'Angleterre, parce que la Chine n'est pas prête à ça. C'est ça l'autre coup bas du traité de Pékin. C'est qu'on sait très bien qu'on va aller leur vendre contre le thé, la porcelaine, la soie. On va aller leur vendre les métaux, les techniques, en fait, souvent les matériaux pour construire leurs premières usines, dans l'espoir qu'ils produisent plus et qu'on puisse vendre à l'international, en Amérique du Nord, jusqu'en Australie, parce qu'on boit du thé en Australie. Alors l'Angleterre, honnêtement, vient de montrer sa suprématie militaire et son génie, mais son génie sale. Evelyne Ferron, c'était fascinant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Evelyne Ferron, spécialiste en histoire ancienne, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeure d'histoire au Collège Mérici. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.